cœur m'appelle. Soirée d'été sous la pluie, je vais rentrer le cerveau à plat. Inutile de les rappeler, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. Ces deux bâtards m'ont mis un plan, il reste du pain sur la planche. Inutile de les rappeler, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. J'suis d'humeur à faire cheap, tu connais la fatigue. Sauvette Calen, j'ai pas d'argent pour du Gucci ou Fendi. Autour y'a mes vrais cheese, qui frite là les munchies. J'vais claquer un selfie, ouais les mecs souriez fait cheese. Du mal à garder mon calme, tu me racassé un crâne. Tu sais j'ai trop fait d'écart moi, j'ai pas toujours un bon karma. T'inquiète mon calme et je vais rouler un gramme. Ils savent pas comment j'ai la dalle. Bientôt j'achète un vrai gamos et je dévalise dans un gamme. Soirée d'été sous la pluie, je vais rentrer le cerveau à plat. Inutile de les rappeler, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. Ces deux bâtards m'ont mis un plan, il reste du pain sur la planche. Inutile de les rappeler, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. La la la la, mon cœur et ma tête. La la, mon cœur et ma tête. La la, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. La la la la, mon cœur et ma tête. La la, mon cœur et ma tête. La la, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. J'ai beaucoup de potes, mais dans ma tête, j'suis le seul actif. En relation, c'est comme mes sons, j'suis sélectif. J'suis pas un mec à l'ouest, très gars du nord dans son cas, ouais. J'suis pas un mec à meuf, avec leur rappel veulent plus d'amical. Et ça me faut la pression, l'amour c'est précieux, c'est pas une prison. J'sais faire du vrai, son maman a raison, elle dit que j'ai l'impression. Ma vision est précise, j'crois qu'on y est presque. Fini la dépression, et peut-être qu'un beau jour j'le ferai. Du mal à garder mon calme, tu me racassais un crâne. Tu sais j'ai trop fait d'écart moi, j'ai pas toujours un bon karma. T'inquiète mon calme et j'vais rouler un gramme. Ils savent pas comment j'ai la dalle. Bientôt j'achète un vrai gamos et je dévalise dans un gamme. Soirée d'été sous la pluie, je vais rentrer le cerveau à plat. Inutile de les rappeler, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. Ces deux bâtards m'ont mis un plan, il reste du pain sur la planche. Inutile de les rappeler, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. La la la la, mon cœur et ma tête. La la, mon cœur et ma tête. La la, mon cœur et ma tête ne me répondent plus.